Les réunions élargies de la troisième session plénière du 9e comité central de l'Union de la jeunesse kim-sunniste, kim-jong-liste, de la troisième session plénière du 7e comité central de la Fédération des syndicats de Corée et de la troisième session plénière du 8e comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée ont eu lieu respectivement à Pyongyang le 24 courant. Y étaient présents les membres titulaires et suppléants des comités centraux et les permanents de ces organisations du niveau central et provincial. Les réunions ont porté sur des mesures pour appliquer à fond les tâches militantes avancées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message du nouvel an 106 du Chuseok 2017.